l'éthanol coule dans mon sang aigu. Et ma foi baisse dans mon flux intellectuel qui part de mes épaules. Les filles ont les yeux plus gros que leur foi. Je donne des idées, c'est déjà bien. Et le lien avec ces femmes me tient. Il faut me laisser m'envoler comme loin. Le refrain dissout les nuages et je me peine sur la plage. Le refrain dissout les baisers que je donne si mal aisés. Ma foi va exploser alors que mon âme se perd, affrontant un hiver mal armé. Le froid est un roi sans pitié et tu m'enfuis dans ton cimetière, dans ton cimetière. Les filles ont les yeux plus gros que leur foi. Je donne des idées, c'est déjà bien. Et le lien avec ces femmes me tient. Il faut me laisser m'envoler comme loi. Le refrain dissout les nuages et je me pâme sur la plage. Le refrain dissout les baisers que je donne si mal ici. Le refrain dissout les baisers que je donne si mal aisés.